Vous aimez être à la pointe de la performance? DS Automobile présente DS3 Performance Line. Avec ses projecteurs DS LED Vision, ses sièges sport, son aileron de requin et son pack Performance Line, cette citadine produite en France combine parfaitement dynamisme et raffinement. DS Automobile. Jusqu'au 31 janvier, pendant les essais Performance Line, DS Automobile reprend votre véhicule 3000 euros au-dessus de sa valeur pour l'achat de DS3 Performance Line. Détails de l'offre sur dsautomobile.fr. La conversation scientifique par Étienne Klein. Aujourd'hui, comment la nature est-elle entrée dans la fleur de l'âge? Non, pardon, dans l'âge de la fleur. Comme tous les êtres vivants ou inertes, les plantes sont constituées de molécules qui sont elles-mêmes constituées d'atomes, qui sont eux-mêmes constituées d'électrons tournant autour de noyaux, qui sont eux-mêmes constituées de protons et de neutrons, eux-mêmes constituées de quarks et de gluons. Pouvoir dire cela, pouvoir dire qu'on sait cela, c'est déjà impressionnant, mais ce n'est pas tout dire des plantes, notamment des plantes dites à fleurs. D'énormes questions continuent en effet de se poser à leur sujet. Comment ces dernières sont-elles donc apparues au cours de l'évolution? On sait que les végétaux ont colonisé la Terre il y a plus de 400 millions d'années, mais que les plantes à fleurs n'y existent que depuis 150 petits millions d'années et qu'elles se sont très rapidement diversifiées. Il n'y a qu'à voir l'abondance de leur dénomination. Crocus, hortensia, eupatoire, hélébore, marguerite, clématite, agapanthe, edelweiss, gentiane, onopordon, orobanche, joubarde, solidage, pétunia, jonquille, phalangère, dame d'onzeur, linaigrette, liseron, lotus, mélampyre, lysimaque, tournesol, stellaire. Et je pourrais continuer d'égrener cette liste pendant toute l'émission, et même pendant des heures et des heures, puisqu'on connaît aujourd'hui près de 400 000 espèces différentes de plantes à fleurs. Leur origine et leur évolution fulgurante étaient un motif d'étonnement pour Darwin soi-même. En 1879, dans une lettre à son ami Joseph Hooker, il parla même de l'abominable mystère que constituait à ses yeux l'apparition, la colonisation et la diversification très rapide des plantes à fleurs à la surface du globe. La question est, ce mystère est-il toujours aussi abominable? Y aurait-il du nouveau sous la pluie? Pour en discuter, j'ai invité François Parcy. Bonjour François Parcy. Bonjour Étienne. Vous êtes directeur de recherche au CNRS et vous travaillez au laboratoire de physiologie cellulaire et végétale de Grenoble. Et je dois ajouter que vous êtes polytechnicien. À l'origine, oui. À l'origine, si on peut dire. Et comment est-ce qu'un polytechnicien formé à des études plutôt versées dans les sciences dures peut-il ou en vient-il à s'intéresser aux fleurs? Moi, je crois en écoutant son cœur, hein. C'est-à-dire après les études de physique, se rendant compte que vraiment la biologie me passionnait. Attendez, vous voulez dire que les physiciens n'ont pas de cœur? Sûrement pas. Sûrement pas. Mais le mien m'a porté plus vers la biologie. Et alors que j'avais choisi un peu, en étant très raisonnable, la physique, au bout d'un moment, j'ai décidé de revenir à mes amours de jeunesse. Donc aux fleurs, aux plantes à fleurs, à leur origine, à leur évolution, à leur domestication peut-être aussi? Disons l'attirance, elle était plus vers les plantes en général, la nature. Peut-être aussi l'envie de ne pas ouvrir le ventre de souris pour comprendre le monde du vivant. Alors, comment est constitué votre laboratoire? À quoi ressemble-t-il? Est-ce qu'il y a des plantations? Est-ce qu'il y a essentiellement des bureaux? Est-ce que vous faites des expériences? Est-ce que vous allez sur le terrain? Comment ça se passe? Alors, on fait un peu de tout. On va relativement peu sur le terrain, mais par contre, on fait à la fois des expériences, et donc on cultive les plantes. On a des chambres de culture ou des enceintes dans lesquelles on contrôle la luminosité, la température, l'hygrométrie. Et puis, on fait beaucoup d'expériences sur les molécules, pas les gluons, mais les protéines, les lipides ou l'ADN, l'ARN. On fait de la génétique des plantes. On fait de la génétique, on fait de la biochimie. Et puis, depuis peu, on fait aussi beaucoup d'études qui consistent en des analyses de type bioinformatique. Et donc, on fait tourner des ordinateurs sur des grands jeux de données Et on essaie d'expliquer certaines choses grâce aux analyses informatiques. On fait des sortes de simulations, c'est ça ? On fait des simulations, Est-ce que vous écrivez des équations ? On écrit des équations relativement simples, mais par contre, on fait des programmes d'analyse assez compliqués, et on fait aussi des modèles pour tenter d'être prédictif. On bâtit des modèles et on tente de les valider, on les teste sur des jeux de données expérimentaux. Est-ce que vous êtes concerné, comme beaucoup d'autres scientifiques, par l'arrivée de ce qu'on appelle le big data ? On est au bord du big data. Avec les données génomiques, on commence à avoir des avalanches de données. Et en fait, on réalise petit à petit la richesse de ces données-là et tout ce qu'on pourrait en tirer. Et personnellement, moi, il y a quelques années, je me rendais compte qu'il fallait absolument verser dans cette direction-là. Et donc, je suis parti me former pendant un an à l'hôpital de Vancouver. J'ai fait une année qu'on appelle sabbatique, mais bon, on travaille toute l'année. Et j'ai appris à programmer, à faire mes propres analyses en bioinformatique. Est-ce qu'il vous arrive, François Parcy, d'aller chez le fleuriste ? Il m'arrive d'aller chez le fleuriste et j'avoue que... Comment ça se passe ? Je passe du temps. Questionner le fleuriste ou il vous questionne ? Souvent, j'ai envie d'expliquer les secrets des fleurs au fleuriste. J'avoue que j'ai cette tendance parfois à vouloir leur dire « Oh, vous savez ça, on peut l'expliquer comme ça. » Mais tout de suite, bien sûr, on verserait dans les protéines, dans le moléculaire. Mais ça les intéresse ? Souvent, ça les intéresse. Et si on l'explique en des termes... relativement simple, je suis toujours étonné de voir à quel point les fleuristes aimeraient en savoir plus. J'ai même imaginé, il n'y a pas très longtemps, peut-être organiser des conférences pour fleuristes, et je suis persuadé qu'ils seraient intéressés d'en savoir plus sur ce qu'ils vendent tous les jours. Par exemple, qu'est-ce que vous avez à leur dire sur les belles roses rouges qu'on voit sur les devantures des vitrines ? Est-ce qu'elles sont vraiment naturelles ? On pourrait dire beaucoup de choses sur les roses rouges. Hein. Bien sûr, elles ne sont pas naturelles. Il y a quand même la patte de l'homme, hein. Il y a ce qu'on appelle la sélection ou la domestication. Les roses, à l'origine, elles étaient beaucoup plus simples, elles avaient moins de pétales, elles étaient moins régulières. Elles avaient peut-être plus de parfum aussi. Hein. Si... Moi, je passe mon temps à sentir les fleurs chez le fleuriste et je suis toujours étonné à quel point les roses ont eu tendance à perdre leur parfum avec les étapes de domestication. Il faudrait que je vous présente un jeune homme amoureux que je connais qui est allé chez un fleuriste et qui a tenté de voler des marguerites. Il s'est fait surprendre par la fleuriste. Et il s'est expliqué en lui disant « Mais madame, c'est à cause des vertiges de l'amour. » Évidemment, ça ne l'a pas convaincu, cette dame, elle en avait vu d'autres. Et il a fini par lui dire « Mais vous savez, madame, vertige de l'amour, vertige au pluriel, a pour anagramme vol de marguerite. » Tout s'explique. Voilà, elle était tellement contente qu'elle lui a offert le bouquet. Est-ce que vous jardinez vous-même, François Parcy ? J'ai jardiné longtemps. Dans ma jeunesse passée dans la Drôme, j'avais un petit jardin et ça, c'était sans doute une des raisons qui m'a conduit à étudier les plantes. Aujourd'hui, j'habite en centre-ville et j'ai quand même des bacs de fleurs avec des tas de choses. J'ai même un Joshua tree que je cultive dans mon appartement. Bah, c'est une plante qui, j'avoue, avoir appris à l'aimer dans le parc américain, le National Monument. Joshua tree, c'est ce qu'on trouve sur l'album de U2, cet arbre. Et j'avoue en avoir un dans mon appartement. Est-ce que vous croyez aux bénéfices éducatifs du jardinage ? Il y a beaucoup qui en parlent, il y a des expériences qui sont menées dans les écoles. On fait cultiver des plantes aux enfants pour qu'ils apprennent certaines lois de la nature et prennent soin de ces plantes dont ils sont responsables. Dans le jardinage, je trouve un côté fascinant, c'est d'avoir une toute petite graine qui au départ peut être minuscule. Et puis quelques semaines, quelques mois après, on a un organisme vivant qui... devant nous. Et je trouve que là, cette magie de la graine qui germe et qui forme un organisme, elle est toujours intacte. Et on a sans doute beaucoup à apprendre de l'observation de la vie des plantes. Je dois vous dire, François Parcy, que votre discipline m'est tout à fait étrangère. Donc je vais vous poser des questions, vous excuserez leur naïveté et vous produirez des réponses que je puisse comprendre et que les auditeurs puissent comprendre également. Alors, votre sujet, c'est les plantes à fleurs, leur origine, leur développement, leur évolution. On les appelle des angiospermes. Oui. Alors, j'ai regardé mes dictionnaires de grec, et angiosperme, ça veut dire plante qui pousse dans un... C'est une graine dans un récipient, c'est ça ? Exactement. Alors, pourquoi cette origine ? Alors, il faut, pour expliquer cela, se référer aux cousins, au groupe cousin des plantes à fleurs, qui sont celles qu'on appelle les gymnospermes. Donc les gymnospermes, en gros, ce sont les conifères. Mais il n'y a pas seulement les conifères, il y a aussi le ginkgo biloba, par exemple. Et en fait, le groupe cousin des plantes à fleurs a les ovules qui ne sont pas enfermés dans un récipient, qui sont nus. Et c'est une des grandes différences. Alors que chez les plantes à fleurs, les ovules sont enfermés dans le pistil, dans les carpelles. Et c'est de là qu'est venu le nom angiosperme, effectivement. Et alors gymnosperme, ça veut dire que la reproduction se fait par l'intérieur de cônes, c'est ça ? Voilà, la reproduction se fait avec des cônes mâles qui portent le pollen. C'est ce qu'on voit au bout des branches qui fait une petite poussière jaune quand on passe à côté à la bonne saison. Et puis les cônes femelles qui portent les ovules. Et ça, c'est les pommes de pin qu'on connaît bien. C'est le vent qui transporte le pollen. Et c'est le vent. Et c'est le vent. Effectivement, et c'est pour ça que ce n'est pas si efficace, parce que ça se fait au hasard du vent. Alors j'ai compris aussi, en lisant quelques articles, qu'on découvre aujourd'hui 2000 nouveaux angiospermes par an. 2000 nouvelles espèces par an. Est-ce qu'elles portent tout un nom ? Est-ce que vous arrivez à suivre ? Alors, j'avoue que je suis beaucoup plus généticien moléculaire que botaniste. Et donc, non, je ne suis pas. Mais effectivement, le groupe des plantes à fleurs... Mais qui fait ces découvertes ? C'est sur des promeneurs ? C'est sur des chercheurs ? Comment ça se passe ? Il y a des gens qui explorent certains biotopes et qui continuent de répertorier la diversité du vivant. Et les plantes à fleurs, c'est un groupe immense qui a... Voilà, jusqu'à 400 000 espèces. Et aujourd'hui, les plantes terrestres, la vaste majorité, ce sont des plantes à fleurs. On considère que 90-95% des plantes sur Terre, des espèces de plantes, sont des plantes à fleurs. Alors, j'ai compris en lisant d'autres articles que les angiospermes comprennent des dicotylédones et des monocotylédones. Ça vous dit quelque chose ? Oui, ça me dit quelque chose. C'est quoi ? C'est intéressant parce que cette question, on me l'avait posée quand j'ai postulé pour l'oral de ce qui s'appelait à l'époque le DEA, qui est maintenant le Master 2. Et à l'époque, je ne savais pas du tout ce que c'était. Venant de la physique, j'avais aucune idée. Je suis en dessous de ce niveau-là. Aujourd'hui, je peux vous répondre. Alors, quelle est la réponse ? Quand vous plantez une graine de blé, au début, vous allez avoir une seule feuille qui va pousser et la deuxième va être imbriquée dans la première et ainsi de suite. Alors que si vous plantez un haricot, vous allez avoir ces deux feuilles embryonnaires qu'on appelle les cotylédons qui vont pousser en même temps. Et donc, c'est pour ça que la graine de haricot s'appelle dicotylédone. Donc, elle a deux feuilles embryonnaires. Pour dire la différence entre 1 et 2, on est obligé d'inventer des mots aussi compliqués. Bien sûr. Ah, c'est bien une discipline spéciale. Alors, d'un point de vue systématique, les angiospermes forment un taxon considéré comme monophylétique. Monophylétique. Alors, qu'est-ce que ça veut dire, ça ? Ça veut dire toutes les plantes à fleurs qu'on a aujourd'hui sur Terre, elles découlent d'un même événement à l'origine. Elles sont apparues une fois et elles sont toutes sœurs les unes des autres. Les plus proches parents des angiospermes sont les gnétophytes, les cicadophytes, les gynkophytes et les coniférophytes. Bravo. C'est ça ? C'est la grande famille des gymnospermes. C'est elles et donc les plus connus et ceux qui sont le plus représentés aujourd'hui sur Terre, ce sont les conifères. Mais effectivement, il y a ces fameux gnétophytes et on en a étudié certains... On a publié là-dessus l'année dernière. Et puis, il y a le ginkgo biloba qu'on trouve dans la plupart des villes, l'arbre aux 40 écus qui, à l'automne, forme ses feuilles dorées absolument remarquables. Alors, dans mon introduction, j'ai parlé de cet abominable mystère dont parle Darwin. Il consiste en quoi, ce mystère, et est-ce qu'on peut l'expliquer simplement ? Le mystère de Darwin, on peut dire qu'il a trois composantes. Darwin, il étudiait l'évolution et il essayait d'expliquer les grands changements par une suite de petites modifications. Et quand il observait à la fois les plantes existantes et les plantes fossiles, il voyait une grande différence entre les plantes à fleurs et les gymnospermes, le groupe cousin. La plante à fleurs, on n'a pas décrit ce que c'était une fleur, mais peut-être on peut passer un tout petit peu de temps à le faire. Une fleur, c'est quatre types d'organes, donc les pétales, qu'on connaît très bien, les organes reproducteurs, l'étamine et le pistil, et puis des organes de protection du bourgeon floral qui s'appellent les sépales. Les sépales, voilà. Voilà. Et ils forment comme ça un ensemble disposé en couronne. Donc on a des couronnes d'organes qu'on appelait, en français un peu plus joli, les verticilles. Et ces couronnes d'organes sont absentes des gymnospermes. Donc il y a une grande différence dans le mode de reproduction, dans la disposition. Et Darwin, quand il a observé ça, il s'est rendu compte qu'il ne trouvait pas d'intermédiaire entre les structures pour la reproduction qui existent chez les gymnospermes. Avec et chez les cônes dont on a parlé. Exactement. Il ne voyait rien d'intermédiaire entre les cônes et les fleurs. Et non seulement il ne voyait rien chez les plantes vivantes, mais il ne voyait rien non plus dans le registre fossile. Donc la transition entre les deux lui paraissait trop brutale. Exactement. Mais elle n'a sûrement pas été brutale, mais en tout cas, comme elle n'a pas laissé de traces, en tout cas jusqu'à aujourd'hui on n'a pas de traces, lui ça lui paraissait trop brutal, il a dit c'est mystérieux. Ça c'est la première composante, c'est cette origine. Après, le reste, c'est la diversification très rapide, puisqu'en gros, en 30 à 40 millions d'années, la plupart des branches des plantes à fleurs sont déjà apparues, et tous les biotopes ont été colonisés par les plantes à fleurs. Et donc cet extrême succès de la plante à fleurs, ça aussi, il avait du mal à le comprendre. Je vous propose que, François Parsi, nous écoutions le premier morceau de musique que vous avez choisi. Il s'intitule « Le vent nous portera ». On pourrait dire que c'est la parole prononcée par un grain de pollen transporté d'un cône à un autre. Exactement. Faudrait voir, faut qu'on y goûte des méandres au creux des reins. Tout ira bien. Le vent l'emportera. Ton message à la grande ours, la trajectoire de la course, l'instantané de velours, même s'il sert. Le vent l'emportera, tout disparaîtra. Le vent nous portera. Caresser la mitraille, cette plaie qui nous tiraille, le palais des autres jours. François Parsi, le vent nous portera, une chanson de Noir Désir chantée là par Sophie Unger. On devine ce choix, mais peut-être que vous avez des commentaires à ajouter. Bah, le vent nous portera, effectivement, c'était une allusion au grain de pollen, hein, qui, à l'époque des gymnospermes, n'avait pas d'autre choix que de se laisser porter par le vent. Dans la chanson, elle parle aussi de la génétique en bandoulière, c'est un peu une vision optimiste de la façon dont dont la génétique nous porte vers le futur. Et puis j'avoue, cette chanson, je l'ai découverte à la radio. Juste avant de partir une année au Canada, on avait enchaîné les fêtes pour dire au revoir aux amis. Un jour, on était trop fatigués de rouler, on s'est arrêté dans la Drôme sur le bord de la route. Et on s'est assoupi dans la voiture et c'est cette chanson qui nous a réveillés. Donc j'en garde un souvenir très ému. Vous avez dit, juste avant qu'on diffuse cette chanson, François Parsi, vous avez décrit la fleur idéale comme étant composée d'étamines, de pistils, de pétales et de sépales. Mais est-ce que la première fleur était déjà comme ceci ou est-ce qu'elle a elle-même dû subir une évolution dans sa structure? Ça, c'est un point vraiment intéressant. C'était quelle était la tête de cette première fleur? Puisqu'on sait qu'elle est apparue qu'une fois, on sait qu'elle a donné naissance à toute la diversité des plantes à fleurs, mais on ne sait pas vraiment à quoi elle ressemble. Et il y a eu une étude l'année dernière, publiée par une équipe dirigée par un Français, Hervé Sauquet, qui a tenté de dresser le portrait robot de cette première fleur. Et effectivement, elle ne ressemble à rien. Elle a des caractères qu'on retrouve chez toutes les autres fleurs, bien sûr, mais elle ne ressemble à rien d'existant. Et en fait, elle n'avait pas de sépales pétales. Elle avait des couronnes d'organes très similaires, un peu comme les tulipes. C'est-à-dire que la première couronne ressemblait à la deuxième. Et c'est ce qu'on appelle des tépales. Par contre, elle avait des étamines. Les tépales, c'est quand les pétales et les sépales ne sont pas vraiment distinguables. Exactement. Quand les sépales ressemblent à des pétales. Ils sont déjà colorés. Et puis, elle avait, par exemple, des petits pistils non fusionnés et disposés en spirale, qui a un caractère un peu ancestral, si on peut dire, puisque ça ressemble un petit peu au cône des gymnospermes. Mais ça, c'est une hypothèse qu'il a faite, ou bien est-ce qu'il y a des arguments autres qui permettent de dire c'est vraiment comme ça qu'a été la première fleur? Alors, dans la mesure où elle a disparu, on ne peut que inférer, c'est-à-dire on peut deviner. Et en gros, on compare les frères, on compare les cousins, et on en déduit des choses sur le grand-père. Si toute la famille est frisée, on se doute qu'il y a des chances que le grand-père soit frisé. Et donc en faisant cette classification qu'on appelle la phylogénie, et en comparant les plantes à fleurs, il a pu établir des pourcentages de chances que cette fleur originelle, elle ait effectivement des tépales, qu'elle ait des organes disposés en couronne, par exemple. Et donc pour chacun des caractères, il a posé une évidence statistique en disant il y a toutes les chances que, ou alors au contraire, on hésite entre deux hypothèses. Donc c'est une inférence. Et cet événement, cette apparition de la première flore, s'est produite il y a 150 millions d'années. On estime à 150 millions d'années, mais là encore, c'est quelque chose qu'on infère, hein, on ne le sait pas à coup sûr. Les traces fossiles les plus anciennes, Archaeofructus, c'est par exemple 150 millions d'années. Mais récemment, là encore, il y a une étude française qui a été publiée l'année dernière, qui a tenté de réévaluer sur des bases génétiques cet âge de la première fleur. Et eux, ils ont repoussé cet âge-là. Ils ont proposé que la première fleur soit apparue plus tôt, en gros au-delà de 200 millions d'années. Mais ça, encore une fois, c'est très hypothétique. Votre sujet, vous, en tout cas c'est l'un de vos sujets, François Parsi, vous avez écrit des publications très importantes dans ce domaine, c'est l'origine des fleurs. Mais l'origine des plantes, est-ce qu'on la comprend? Elle se serait produite 400 millions d'années d'ici maintenant, enfin, dans le passé. Est-ce que c'est aussi mystérieux que l'apparition des fleurs ou est-ce qu'on comprend davantage? J'ai le sentiment qu'on le comprend mieux dans la mesure où on sait que les plantes terrestres, elles viennent d'une vie aquatique. Donc ce sont des algues, pour la plupart multicellulaires, qu'on appelle les algues charophytes, qui sont sorties de l'eau, qui sont sorties de l'eau douce, qui sont sorties de l'eau salée, et qui ont commencé à coloniser les continents sous la forme de mousse. Après, précisément, dans quel ordre cela s'est fait, quelles sont les premières plantes à avoir colonisé la Terre, ça c'est un point qui reste relativement énigmatique. Et malgré les progrès moléculaires, on ne connaît toujours pas exactement quelles sont les premières plantes à être sorties de l'eau. Les mousses, par exemple, dans ce paysage, elles occupent quelle place? Ce sont les premières plantes terrestres. Ce sont les plus ancestrales parmi les plantes terrestres. Elles ont appris à vivre en dehors de l'eau. On sait qu'elles aiment les endroits humides, elles ont toujours besoin de l'eau pour leur reproduction, mais elles sont capables de vivre entourées d'air. Et j'ai lu dans l'un des articles que vous avez écrit, François Parsi, que ce sont les fougères qui ont inventé le système vasculaire. Ah oui, une très très belle invention. Hein. Alors en quoi a-t-elle consisté? C'était pour être plus haut et pouvoir se reproduire en captant la lumière et en faisant monter l'eau. Exactement. Parce que vous savez que la plante tire son énergie du soleil, et donc il y a une compétition pour accéder à la lumière du soleil. Les mousses, elles, qui avaient besoin de rester très humides et qui conduisaient l'eau de façon très rudimentaire, un peu de cellule à cellule, elles restaient au ras du sol. Et le jour où certaines plantes ont inventé la capacité à conduire l'eau en hauteur, et ça, ça s'est fait par les vaisseaux, hein, par ce qu'on appelle les tissus vasculaires, ouais. Et bien ces plantes-là, elles ont eu un gros avantage sélectif, et sous la forme de fougères, y compris des fougères arborescentes qui étaient très grandes, elles ont colonisé très efficacement la Terre. Mais vous dites elles ont inventé, est-ce que c'est le bon terme? Est-ce qu'on peut parler d'invention? Dans une explication darwinienne, on n'a pas le droit de dire invention. On n'a pas le droit de dire ça. Alors qu'est-ce qu'on doit dire? On doit dire, par le jeu des erreurs et du hasard, est apparue une structure qui a conféré à la plante un avantage sélectif. Je comprends mieux. France Culture. La conversation scientifique par Étienne Klein. Alors, venons-en aux angiospermes, donc aux plantes à fleurs, où les organes mâles et femelles sont rassemblés. J'ai compris qu'il y avait un modèle qui faisait autorité, qui est le modèle ABC. Quel est le B.A.B.A. du modèle ABC? Le B.A.B.A. du modèle ABC. Ça, c'est un modèle qui a été proposé au début des années 90, conjointement par une équipe anglaise et une équipe américaine, et qui explique comment est déterminée l'identité des organes de la fleur. Donc, je le disais, la fleur, c'est quatre couronnes d'organes, sépales, pétales, étamines et pistils. Et ce qu'ils ont découvert, c'est qu'en fait, il y avait trois activités qu'on appelle les activités A, B, C, et que c'est la manière dont se combinent ces activités qui va donner l'identité des organes. Par exemple, l'activité A toute seule, elle va donner les sépales, la couronne externe. Si on combine l'activité A et B, on va avoir les pétales. B et C, on va avoir les étamines. Et C tout seul va donner le pistil ou les carpelles. Donc c'est presque une description atomique des différentes fonctions qu'on trouve dans la fleur. C'est incroyable, c'est un très joli petit modèle, relativement simple. Et je dois dire, il est passé au programme de terminale scientifique en France. Donc ce modèle qui a été proposé dans les années 90, il est aujourd'hui enseigné. Je ne le connaissais pas, hein, c'est dire la faiblesse de mon niveau. Non mais il a été introduit dans les programmes de façon relativement récente. François Parsi, est-ce que j'ai le droit de dire que les plantes vivent une adolescence? Oui, non seulement vous avez le droit, mais c'est très judicieux. Parce que les plantes à fleurs, elles ont une adolescence. Elles ont une phase qu'on appelle juvénile, où elles vont produire des racines, des tiges, des feuilles. Mais elles ne sont pas encore capables de produire des fleurs. Et puis un beau jour, va se produire ce qu'on appelle la transition florale, qui chez les plantes dépend énormément de l'environnement, et qui va les conduire à passer à l'état qu'on appelle reproductif. Chez la petite plante modèle qu'on étudie au laboratoire Arabidopsis thaliana, cette adolescence, elle dure 15 jours. Chez le peuplier, elle dure 15 ans. Et brutalement, ces plantes deviennent capables de se reproduire? Et brutalement, il y a une forme de reprogrammation. Elles utilisent des nouveaux endroits de leur génome et elles vont être capables d'engendrer ces formes spectaculaires qui vont leur permettre d'avoir une reproduction extrêmement efficace. Et qu'est-ce qui déclenche la floraison ? Excusez-moi, c'est des questions qui paraissent naïves. Je sais que les réponses sont compliquées parce que ça dépend de l'environnement, ça dépend de... La réponse simple, c'est multifactoriel. Mais en gros, il y a à la fois des composantes internes, l'âge de la plante, les métabolites, le taux de sucre, par exemple, va être important. Il faut que la plante ait assez de ressources pour aller vers la fleur. Mais il y a aussi une composante extrêmement importante qui est l'environnement, la durée du jour et de la nuit. Les plantes lisent l'heure, elles savent à quel moment elles sont dans la journée, elles savent si les jours sont courts ou si les jours sont longs. Et elles savent aussi si l'hiver est passé. Quand elles ont connu le froid de l'hiver, elles en gardent une mémoire qu'on appelle une mémoire épigénétique. Et ça, ça les libère et ça leur permet de fleurir au printemps. Elles savent que l'hiver est fini. Oui. Et elles comptent même le nombre de semaines de froid. Et s'il est suffisant, alors elles se permettent de fleurir. En sachant qu'elles ne prennent pas trop de risques, que le froid revienne. Exactement. C'est-à-dire qu'elles ont, elles ont en effet une mémoire. Mais est-ce que cette mémoire, c'est une véritable mémoire comme on utilise le mot ordinaire ou est-ce que c'est simplement une programmation ? C'est un peu des deux. C'est pas une mémoire basée sur un stockage dans les neurones, mais c'est une mémoire qui est stockée dans elle l'activité des chromosomes. Elle se dit pas un matin, tiens, c'est le moment, j'y vais, quoi. Non, elle se dit pas ça. Est-ce que j'ai le droit de dire que les pétales sont des feuilles recyclées ? Ah oui. Et là, on quitte Darwin et on passe à Goethe. On passe à Goethe parce que... Oui, j'ai vu que Goethe était intéressé à ce sujet. Il avait même fait des prévisions. Ah oui. Il avait prédit que... Les organes de la fleur, donc tous ces organes très divers, vous voyez, si on compare une étamine à un pétale, ce sont des organes très différents. Et lui, il avait prédit que à la fois les feuilles des plantes et tous les organes de la fleur soient construits sur une même base. C'était toutes des sortes de feuilles modifiées. Et aujourd'hui, en étudiant le modèle ABC, on se rend compte que si on retire à la fleur ses activités ABC, donc on n'est plus capable de faire des organes floraux, eh bien, on fait une sorte de fleur qui est faite que de petites feuilles. Et donc ça, c'est un peu la validation de cette prédiction de Goethe que les organes floraux sont bien des feuilles modifiées. François Parcy, j'ai fait votre connaissance juste après que vous avez publié un article qui désépaissit le mystère invoqué par Darwin. Alors qu'est-ce que vous avez compris dans cette transition qui s'est opérée entre les plantes tout court et les plantes à fleurs ? Alors nous, on s'est intéressé à une plante qui n'a pas de fleurs, qui s'appelle Welwitschia mirabilis, qui fait partie des gnétophytes. Je suis content que ce soit vous qui donniez son nom. C'est une plante qu'on ne trouve pas en France. Elle a été cultivée par une étudiante de mon laboratoire, Edwige Moiroux, et un chercheur anglais au laboratoire de Kew, au Kew Gardens à Londres. Mais son biotope normal, originel, ce sont les déserts côtiers d'Angola et de Namibie. Donc c'est une plante extraordinaire. Elle vit mille ans. Elle peut vivre 1000 ans. Elle a seulement 2 feuilles qui se font lacérer par le vent. Elle a une racine pivot qui peut mesurer 30 mètres. Et elle a des plants mâles et des plants femelles, avec des cônes mâles et des cônes femelles. Comme les autres gynospermes, exactement. Donc c'est une plante qui ressemble à un conifère. Ah, elle fait partie de sa grande famille. Elle fait partie de la grande famille des gymnospermes qui comprend les conifères, donc elle est apparentée. Elle a quand même quelque chose qui est assez exceptionnel, c'est qu'au milieu de ces cols à pollen, elle a quelques ovules stériles. Et donc c'est une tentative avortée d'aller vers la bisexualité, mais ça n'a pas réussi. Elle a réussi à placer une ovule au milieu des cônes à pollen, mais ça n'a pas fait une fleur. Et en fait, on a étudié cette plante et on s'est rendu compte que, alors que ces structures reproductives, elles sont très différentes de la fleur, il n'y a pas de pétales, etc. Mais si on regarde au niveau moléculaire, si on regarde les composants, en gros, les gènes architectes qui bâtissent la fleur chez les plantes à fleurs, eh bien, non seulement on retrouve certains de ces gènes architectes, mais également l'organisation en cascade avec le premier qui va lancer l'activité des suivants, eh bien, on retrouve chez des plantes ancestrale, cette organisation en cascade. Donc, alors qu'au niveau morphologique, ces gymnospermes et ces plantes à fleurs diffèrent énormément, au niveau moléculaire, on peut dire que les gymnospermes étaient déjà équipés ou en partie équipés pour aller inventer la fleur. Donc il y avait une structure sous-jacente qui explique comment la transition a pu se faire. Voilà. Le mystère est un petit peu moins abominable. Et donc si Darwin était en face de vous, là, revenait grâce à une capsule temporelle, qu'est-ce que vous lui diriez ? D'une part, dans un langage qu'il puisse comprendre, avec des termes qu'il connaît. J'aurais plaisir à lui expliquer nos découvertes sur Welwitschia mirabilis. Et puis je crois qu'avec Darwin, on parlerait surtout d'ADN. On parlerait de cette base de l'hérédité qui lui manquait et qui sans doute donnerait tout son sens à certaines de ses découvertes. C'est-à-dire que le mécanisme qu'ont utilisé ces plantes est simplement une adaptation ou une activation de potentialités qui étaient déjà présentes. Exactement. C'est ce qu'on appelle la coopter. C'est-à-dire que les organismes vivants, pour faire du neuf, ils prennent du vieux. C'est ce qui avait été qualifié de bricolage de l'évolution. C'est-à-dire qu'en fait, on utilise ce qui est déjà présent, on le modifie légèrement. Ça veut dire certaines protéines qui étaient actives seulement dans un tissu deviennent actives dans un autre, ou elles changent très légèrement, ou elles se dupliquent. Et ça ouvre la porte à une diversification. Et avec du vieux, on crée de la nouveauté. Ça me fait penser à une histoire qui met en scène Einstein, un peu comme vous mettez en scène Darwin. En 1935, Einstein, avec deux collègues qui s'appellent Podolsky et Rosen, publie un article EPR, les initiales, sur la mécanique quantique. Et il dit, si la mécanique quantique est complète, si elle est juste, si elle contient toutes les informations qu'on peut avoir sur les systèmes physiques, alors elle prédit des choses abominables. Ce qu'on appelle la non-séparabilité, comme si les particules continuaient d'interagir à distance sans échanger d'informations. Et la suite de l'histoire a montré qu'il avait vu juste, que la physique quantique engendre en effet ce phénomène auquel lui ne croyait pas. Il parlait d'une sorte de prédiction abominable, mais des expériences ont montré que la physique quantique contient cette possibilité. Ça ressemble un peu à ce que vous racontez sur Darwin. Alors j'ai vu aussi, François Parsi, que c'est un sujet de recherche, le vôtre, dans lequel il y a des nouveautés à une fréquence impressionnante. J'ai vu que tout récemment, des chercheurs ont étudié la taille du génome des plantes à fleurs et montré que c'était elles, sans doute, qui étaient responsables de leur succès dans l'évolution. Alors oui, ça c'est un article qui est sorti la semaine dernière et qui a fait pas mal de bruit. En fait, il propose que le succès dans l'évolution des plantes à fleurs ne soit pas dû aux fleurs, mais soit dû aux feuilles. Et donc, ce qu'on savait déjà, c'est qu'en fait, les plantes à fleurs, elles ont une photosynthèse extrêmement efficace. Elles ont des toutes petites cellules en général, et donc elles arrivent à avoir des feuilles qui sont couvertes de petits pores pour échanger les gaz, couvertes de nervures pour apporter l'eau. Et en fait, ce qu'ils ont proposé, c'est que si elles ont des petites cellules, c'est parce qu'elles ont une réduction de la taille de leur génome. Et effectivement, quand on regarde la moyenne des tailles de génome des conifères, des gymnospermes, ce sont des tailles vraiment gigantesques. Alors que les plantes à fleurs, en moyenne, ont un génome plus petit. Et là encore, ce sont des inférences, mais on pense que les premières plantes à fleurs avaient effectivement un petit génome. Et ça, c'est vraisemblable que ça a contribué à leur succès une fois qu'elles sont apparues. Mais est-ce qu'il n'y a pas des exceptions? Il y a des plantes qui ont des gros génomes? Si, il y a des plantes qui ont des gros génomes, il y a des plantes à fleurs qui ont des gros génomes. Qu'est-ce qu'on appelle gros d'ailleurs? Alors gros, il faudrait les qualifier, mais 100 millions de bases, c'est un tout petit génome. C'est le génome de la plante Arabidopsis thaliana. C'est environ, je ne vais pas dire de bêtises, mais 30 à 50 fois plus petit que le génome humain. Et les conifères, c'est encore 10 fois plus gros que le génome humain. Donc on a des gammes qui sont... C'est 30 gigapaires de bases, un génome de gymnosperme. Donc c'est un très gros génome. François Parsi, il y a peut-être un deuxième morceau de musique que vous souhaitez passer? Volontiers. Floor, and eggs and coke until they're gone, and all my François Parsi, Do You Read Me par Ginzou. Pourquoi ce choix? Ça évoque le langage des fleurs? Ça peut évoquer le langage des fleurs. Bon, déjà, c'est quand même une chanson qui parle d'amour et qui parle de la tension qu'il y a avant un rendez-vous amoureux. Faut pas oublier que les fleurs, c'est quand même la base de la reproduction, donc c'est de ça dont on parle. Et puis, le langage des fleurs, on peut le voir de plusieurs façons. On peut le voir dans la façon dont la cellule arrive à lire son génome, puisque les instructions pour aller fabriquer les fleurs et cette grande diversité de formes, de couleurs, tout ça est écrit dans le génome. Et nous, chercheurs, on aimerait être capables de le lire. C'est ce que font les plantes tous les jours. Le moindre pissenlit, il décode les informations de son génome et il fabrique la fleur de pissenlit. Et nous, qui nous semblons bien avancés, on est encore incapables de faire cette lecture-là. Le langage des fleurs, c'est aussi ce dialogue qu'elles ont avec les insectes. On n'a pas parlé de ça encore, mais une des raisons pour laquelle la fleur est un tel succès dans l'évolution, c'est qu'elle ne se reproduit plus grâce au vent. Le pollen n'est pas transporté seulement grâce au vent, il est transporté grâce aux insectes. Alors quel intérêt les insectes y trouvent-ils? Et est-ce qu'on peut dire que les plantes ont instrumentalisé les insectes pour leur reproduction? Tout à fait. C'est un bénéfice mutuel tout de même, puisque l'insecte, qu'est-ce qu'il trouve dans la fleur? Il va trouver, et ça on n'en a pas parlé, à la base des organes floraux, on a un petit jus sucré qui s'appelle le nectar. Et donc on a des organes spécialisés qui vont produire ce nectar. Et en fait, lorsque l'insecte visite la fleur, son intérêt à lui, c'est de récupérer le nectar avec lequel il peut se nourrir, les abeilles fabriquent le miel, etc. Elles utilisent un peu le pollen aussi. Mais en gros, ce qui se passe, c'est que le pollen se colle sur le corps des insectes et que quand ils visitent une fleur, on le sait tous, à la fois ils prélèvent du pollen et ils en déposent. Donc en fait, ça favorise une pollinisation croisée qui va être extrêmement efficace. Au lieu de se faire au hasard des courants et du vent, ça va se faire de façon très dirigée. Mais est-ce qu'on peut dire que si les abeilles disparaissaient, ce serait la fin des fleurs? Ce qui est clair, c'est qu'il n'y a pas d'autres modes de transport par d'autres animaux, par exemple? Alors déjà, les insectes, c'est pas la... Il y a des pollens qui sont transportés par d'autres animaux, mais ça reste relativement anecdotique. C'est transporté par des oiseaux, c'est transporté par des mammifères. Il y a des fleurs en Asie qui sont pollinisées par des souris ou par des petits rongeurs. Il y a des fleurs qui sont pollinisées par les chauves-souris. Mais la vaste majorité des pollinisateurs, ce sont des insectes. Et donc, c'est pas seulement les abeilles, mais si les insectes venaient à disparaître, on aurait un problème de pollinisation. Il ne faut pas oublier qu'il y a quand même une partie des plantes qui s'auto-pollinisent, c'est-à-dire qu'elles se pollinisent eux-mêmes et ça ne pose pas de problème. Il y a des plantes incestueuses, Arabidopsis thaliana, encore une fois notre chère plante modèle, c'est une plante qui est parfaitement incestueuse, elle s'auto-pollinise avant même que la fleur s'ouvre, et pourtant on en trouve dans énormément d'endroits du globe et elle a une grande réussite dans l'évolution. Et donc on peut penser que si les insectes disparaissaient, ça favoriserait peut-être l'émergence de plus de plantes qui aient moins besoin d'insectes. Mais pour les plantes, pour l'instant, les plantes à fleurs et les insectes ont des vies inséparables. Ils ont des vies inséparables. D'ailleurs, j'ai une belle anagramme à vous proposer à ce sujet qui a été découverte par Jacques Perisalkov. Disparition des abeilles a pour anagramme des lois d'inséparabilité. Très belle anagramme. Ça vous va bien? Ça me va bien. Et ça va même au-delà de vie inséparable, c'est que c'est aussi une histoire inséparable. Puisque les espèces de plantes à fleurs se sont diversifiées de façon parallèle à la diversification des insectes. On a créé des couples fleurs-insectes qui ont évolué séparément. Et comme ils vivaient ensemble, qu'ils se reproduisaient de façon confinée, c'est-à-dire que l'insecte était toujours celui qui visitait la fleur, en fait, les insectes ont évolué et les fleurs ont évolué. C'est un peu comme des langages. Hein, les premières fleurs sont apparues, les insectes étaient déjà là. Alors, là aussi, il y a un article qui est sorti très récemment. C'est qu'à une époque, on pensait que c'était à peu près apparu en même temps. Et là, j'ai vu passer dans Le Monde un article qui disait que les insectes, en fait, étaient bien antérieurs aux plantes à fleurs. Et donc, ils avaient d'autres façons de se nourrir qui n'en dépendaient pas, mais ils ont saisi l'opportunité de la fleur. François Parsi, les plantes à fleurs occupent une grande place dans notre alimentation. Néanmoins, on ne mange pas toutes les plantes à fleurs. Donc, qu'est-ce qui fait qu'une plante à fleurs est comestible et qu'est-ce qui fait qu'elle ne l'est pas? Alors effectivement, il faut noter que la base de notre nourriture, sauf si vous vous nourrissez de pignons de pin ou d'algues, mais sinon la base de notre nourriture végétale, c'est essentiellement des plantes à fleurs. Toutes les graines, tous les fruits. Il y a 400 000 espèces. Parmi ces 400 000, combien sont comestibles? Alors le nombre, je ne le connais pas, mais ce qui est certain, c'est que dans les 10 000 ans d'agriculture qui nous ont précédés, l'homme a sélectionné certaines plantes et qu'il a utilisées pour sa nourriture. Et en fait, en les sélectionnant, il a appliquer une pression de sélection qui n'est pas la pression de sélection naturelle, mais qui est une pression de sélection qui a conduit ces plantes à mieux remplir les besoins de l'homme. Et c'est ce qu'on a autour de nous avec des céréales, avec des très gros fruits. Donc toutes les plantes que nous mangeons sont des plantes que nous avons domestiquées d'une certaine façon ? Est-ce qu'on a le droit de parler de plantes domestiques ? Oui, on a le droit de parler de plantes domestiquées. De la même façon qu'on a domestiqué des animaux pour les adapter à nos besoins, on a domestiqué le loup pour en faire un chien berger ou un chien d'avalanche, eh bien on a domestiqué les plantes pour les adapter à nos champs, pour avoir des fruits plus gros, pour avoir des graines plus nombreuses, des graines qui restent attachées à leur épi et qui ne tombent pas au sol par exemple, pour avoir des roses avec des pétales beaucoup plus gros, des pétales beaucoup plus nombreux. Tout ça, c'est la patte de l'homme, c'est-à-dire exploiter la diversité naturelle à son profit. Mais est-ce que les questions de l'alimentation vous intéressent ? Est-ce que, j'imagine que oui. Oui. Est-ce que vous avez des idées sur la façon dont l'humanité va se nourrir dans 50 ans, par exemple ? Ça, c'est une grande question. Effectivement, c'est une question qui m'intéresse beaucoup. Et je crois qu'en regardant en arrière, en regardant ce qui s'est passé durant ces 10 000 ans d'agriculture, où l'homme a appliqué une pression de sélection, et il a choisi, dans la diversité des plantes existantes, certains des variants qui sont mieux adaptés à sa nourriture. En sachant tout ce qui s'est passé, on peut comme ça avoir un bagage pour mieux comprendre ce qui va se passer. Et aujourd'hui, et je ne parle même pas forcément des plantes transgéniques ou des organismes génétiquement modifiés, on a aujourd'hui des nouvelles techniques d'édition des génomes qui vont nous aider à créer cette diversité et ensuite à la sélectionner de nouveau. Et donc moi je suis assez confiant, et c'était peut-être un peu le génétique en bandoulière hein, de la reprise de Noir Désir, qui dit que finalement on va vers le futur, on va vers les galaxies, on explore l'espace, mais que la génétique et la sélection des plantes comme source de nourriture, elle sera toujours là et toujours aussi importante. Et on a à notre disposition aujourd'hui des nouveaux outils qui ont un potentiel extraordinaire. Il ne faut pas oublier qu'on a créé des plantes qui ont par exemple des grosses graines, mais qui ont besoin de beaucoup d'eau, de beaucoup d'engrais et de beaucoup de traitements, de pesticides. Et ça, c'est parce qu'on a privilégié certains caractères qui étaient leur rendement. Aujourd'hui, moi je suis un optimiste, hein. Je pense qu'on va pouvoir exploiter la diversité des plantes et leur capacité naturelle à résister aux insectes, à résister aux champignons, à résister aux virus, et réexploiter cette capacité-là pour créer des nouvelles plantes domestiquées qui seront, je l'espère, beaucoup plus respectueuses de l'environnement. France Culture. La conversation scientifique par Étienne Klein. Vous êtes chercheur, François Parcy, donc il y a, j'imagine, des questions qui vous turlupinent. Et est-ce qu'il y en a une dont vous aimeriez rapidement connaître la réponse ? Une sorte de mystère, je ne parle pas d'un mystère abominable comme celui qu'on a évoqué à propos de Darwin, mais une question qui vous gêne parce que vous n'avez pas la réponse. Et si vous l'aviez, ça vous aiderait à faire beaucoup d'autres choses. Pour vous répondre, il faut revenir à ce que je disais tout à l'heure sur la lecture des génomes. C'est-à-dire que les instructions sont là, elles sont codées en dur dans ce génome, et on a beaucoup de mal à les lire. Et il existe une classe de protéines spécifiques dans les cellules qui va s'accrocher à certains endroits de l'ADN. Et en fait, ces protéines-là, elles reconnaissent certains motifs. Vous savez, l'ADN, il est formé des quatre bases ACGT, donc il y a des tas de... C'est comme utiliser des lettres pour un dictionnaire, donc il y a des tas de motifs. Et en fait, il y a des protéines spécifiques qui reconnaissent ces motifs et qui le font très précisément. Et c'est là, elles vont lire les instructions en s'accrochant sur l'ADN. Et j'avoue que ça, c'est quelque chose qui me semble pas si compliqué, et pourtant, on n'y arrive pas. Et j'aimerais beaucoup, et j'avoue, on y travaille de façon très active, y compris avec des collègues dans le monde entier. Vous cherchez l'équivalent d'un champollion, c'est ça ? C'est presque ça. C'est arriver à ce langage qui est encodé, on pourrait dire, dans le génome, c'est arriver à le traduire et à le comprendre aussi bien que la plante arrive à le comprendre. Mais si vous le compreniez vraiment, est-ce que ça n'ouvrirait pas la porte à toutes sortes de manipulations ? Non, je crois que déjà si on le comprenait vraiment, on aurait la capacité à lire dans le génome la base de maladies génétiques. C'est-à-dire que ça s'appliquerait bien sûr. Quand je parle de l'ADN et de lire le génome, ce n'est pas spécifique aux plantes. Hein. C'est quelque chose qui aurait des conséquences dans tous les domaines. Il y a des recherches très actives qui se font dans différents organismes, y compris l'homme. Donc moi, je suis assez optimiste. C'est un peu comme toutes les technologies. Elles vont présenter des énormes avantages. Et puis, bien sûr, on pourra faire les pires choses avec elles. François Parcy, j'ai cité dans mon introduction une liste de noms de fleurs. Je pense que vous les connaissez tous. Il y a des fleurs qui nous sont plus ou moins familières. Est-ce qu'il y en a une qui vous fascine plus que les autres ? Alors, j'ai noté que dans votre liste, il y avait pas mal de plantes de montagne. Hein, j'ai, oui, les belvailles, pour le coup, je les connais un peu. Moi, je dois dire, je pratique l'escalade, notamment dans les massifs alpins, et une plante que j'adore, c'est le genépi. C'est une plante que j'ai appris à reconnaître. La plante, pas la boisson. Bien sûr, c'est un peu des deux et c'est un peu lié. Le genépi, quand on est dans une voie d'escalade, par exemple sur les massifs calcaires des Hautes-Alpes, on la sent avant de la voir. C'est une toute petite plante qui vit accrochée dans les rochers. Elle vit là où les autres n'y arrivent pas. Il n'y a pas d'herbe autour du genépi. Elle est vraiment dans les infractuosités de rochers. Et celle-là, on la sent à l'avance en grimpant. Et bien sûr, en plus d'avoir cette odeur particulière, elle permet de fabriquer la boisson. Mais c'est simplement parce qu'elle est là dans un endroit très spécial que qu'elle vous fascine, ou est-ce qu'elle a des propriétés moléculaires ou autres qui la rendent intéressante. C'est un très bon exemple de la façon dont les fleurs utilisent les parfums, puisqu'en fait, ça peut être pour attirer les insectes, ça peut être pour se protéger de certaines attaques. Les plantes, elles ont quand même... En quoi un parfum peut protéger d'une attaque ? Ça peut avoir un rôle attracteur ou ça peut avoir un rôle répulsif, dissuasif. Il y a des plantes... Alors, dans un autre registre, il y a une plante qui s'appelle Rafflesia en Indonésie, qui a une odeur pour attirer les insectes, qui a une odeur de cadavre en décomposition. Et c'est comme ça qu'elle attire les mouches qui vont la polliniser. Une des caractéristiques des plantes, c'est de produire ce qu'on appelle des métabolites, c'est-à-dire des petites molécules en très très grand nombre. Et en fait, certaines plantes, si on parle par exemple des orchidées, hein, donc il y a un nombre incroyable d'espèces d'orchidées, elles ont développé des stratégies d'interaction avec les insectes et des stratégies de reproduction tout à fait phénoménales. Certaines orchidées sont capables de produire des phéromones, c'est-à-dire des hormones qui normalement sont utilisées par les insectes pour l'attraction sexuelle. Eh bien, certaines orchidées, encore une fois, par le jeu du hasard, par la sélection naturelle, sont capables de synthétiser ces phéromones et d'attirer les insectes. D'autres sont capables de produire des pétales qui ressemblent très fortement à des abeilles ou à des bourdons. Et donc certains bourdons, en croyant avoir un partenaire, tentent de copuler avec un pétale d'orchidée. Évidemment, ils n'y arrivent pas, mais pendant qu'ils font cette tentative, ils se recouvrent de grains de pollen. Et ensuite, ils changent, ils vont visiter une autre fleur, nouvelle tentative de copulation, et là, ils pollinisent la fleur d'orchidée. Mais ça ressemble à des ruses incroyables. C'est tellement sophistiqué et tellement élaboré que c'est presque difficile de croire que ça s'est fait par ce jeu de l'erreur et du hasard. Et là, pourtant, vraiment, c'est ce que dit Darwin. Pourtant, c'est ce que dit Darwin, et pourtant, c'est ce à quoi je crois profondément. Et je crois qu'une des motivations d'être biologiste et d'essayer de comprendre au niveau moléculaire cette diversité des formes, diversité des parfums, c'est aussi d'aller creuser et de voir comment ces choses extraordinaires peuvent être expliquées au niveau des molécules. Je crois que moi, dans mon métier, c'est une grande satisfaction. C'est d'observer comme ça des choses qui sont fascinantes quand on les regarde sur la surface, mais après, de passer en dessous et d'aller voir qu'est-ce qui se passe au niveau des gènes. Mais est-ce que c'est pas la même chose qui est arrivée aux physiciens des particules qui, à partir des années 50, découvrent, grâce aux collisionneurs, aux accélérateurs de particules plutôt, toutes sortes de nouvelles particules dont ils ont finalement du mal à penser qu'elles peuvent toutes être élémentaires. Donc ils finissent par se dire qu'elles doivent être composites, et c'est là qu'on invente l'idée des quarks. Et cette sous-structure permet, alors qu'elle est très simple, d'expliquer la diversité de toutes les particules qui ont pu être identifiées. Donc c'est en allant vers le plus petit qu'on peut essayer de comprendre les clés de la diversité qu'on observe. Tout à fait. Et en fait, le jour où on aura les clés pour aller lire ce génome et comprendre le rôle des molécules, simplement en regardant une séquence de génome, on pourra faire le portrait robot de la fleur. On pourra dire, d'après ce que je vois écrit ici, alors tous ces composants élémentaires, ils vont engendrer des propriétés émergentes et ils vont engendrer les couronnes d'organes, la capacité à répondre à l'environnement. Vous pourrez aller jusqu'à dire, à expliquer ce que vous venez de raconter, à savoir que des bourdons pourraient tenter de copuler avec des pétales simplement par la lecture du génome. Il y a des études qui montrent que chez les orchidées, vous savez, on a parlé tout à l'heure du modèle ABC. Eh bien, chez les orchidées, on n'a pas un type de pétale, mais parfois deux types, parfois trois types. Et on a compris récemment que chez les orchidées, il n'y a pas seulement un ou deux gènes B, mais il y a eu des duplications. Il y a B1, B2, B3. Et en fait, il y a une espèce de sous-modèle ABC qui explique que pour faire un pétale en forme de bourdon, il faut combiner B1, B2, B3. Et donc, on est sur le chemin d'une compréhension moléculaire de cette extraordinaire diversité des formes, des couleurs et des parfums. Alors, est-ce qu'il y a d'autres fleurs dans celles que j'ai citées ou dans d'autres que vous avez en tête qui vous fascinent également? La dame d'Onzeur, par exemple, vous la connaissez? Ah non, j'avoue mon ignorance. La linaigrette, le mélampyre, le tournesol, le stellaire. Il y a des plantes de montagne qu'on trouve souvent dans les endroits un peu autour des torrents de montagne, par exemple le saxifrage, qui a une stratégie pour décaler la maturation de ses pièces mâles et de ses pièces femelles, c'est-à-dire les étamines et le pistil, et qui lui permet d'éviter l'autopollinisation. Donc là, c'est ce qu'on appelle une auto-incompatibilité morphologique, disons, où en fait... Elle a fait un séquençage dans le temps pour éviter de se reproduire elle-même. Pour éviter de se reproduire avec elle-même et pour favoriser les croisements avec ses voisins, elle a décalé le moment de maturation de ses pistils et le moment de maturation de ses étamines. Et donc, elle ne peut pas s'auto-polliniser. Je sais, vous faites beaucoup de montagnes, de randonnées, d'escalade. Vous êtes quel genre de promeneur? Vous regardez les plantes qui sont au bord des chemins ou est-ce que vous... J'avoue que... S'il doit ralentir votre rythme. J'avoue que mon regard se porte beaucoup sur les parties verticales et que si je citais le génépis parce que c'est celle que je rencontre dans les falaises, il n'empêche que après une journée à grimper, quand on revient le soir sur les chemins, et là, la tension de la journée est passée et on peut commencer à se concentrer sur autre chose. Et c'est vrai que le matin, quand on marche vers une paroi, l'esprit est moins libre. L'esprit est quand même focalisé vers... Bachelard dirait que vous avez un psychisme ascensionnel. Vous regardez vers le haut. Vous regardez vers les sommets. Ça dépend du moment de la journée, oui. Est-ce qu'il y a des choses à dire quand on est spécialiste comme vous, des fleurs qu'on trouve chez les fleuristes? Vous y allez d'ailleurs, vous achetez quelles fleurs? Si c'est pas indiscret. J'achète le mimosa, car c'est une des fleurs qui plaît le plus à ma compagne, à ma femme. Et je passe beaucoup de temps à regarder cette diversité. Et j'avoue que j'ai l'impression d'être... je me sens un peu comme à la maison, c'est-à-dire que quand je suis dans un magasin de fleurs, j'ai l'impression de les comprendre un peu. C'est comme si un dialogue s'instaurait entre elle et moi. C'est comme si je leur disais « Ah oui, toi tu ressembles à ça, mais... » Je vois ces gènes abaissés. Je vois l'architecte, vous savez, j'étudie une protéine qui va vraiment lancer le développement de la fleur, la première qui va lancer cette cascade. Et j'ai l'impression que je la vois à l'intérieur. Et ça me fait un peu la même chose. Est-ce que vous leur parlez ? Je leur parle discrètement. Parce que vous savez, ce grand mathématicien Grothendieck, à la fin de sa vie, parlait aux fleurs et aux plantes qu'il avait chez lui. Mais que ce soit dans le... Que ce soit chez un fleuriste ou que ce soit sur un étalage de fruits et légumes, c'est vrai que je jette un œil toujours particulier. Alors, je dois dire, quand j'étais tout petit, ma mère était fleuriste, donc peut-être j'ai passé... Ah tiens. Mais oui, ce sont des amis qui m'ont rappelé ça récemment, en me disant que mon berceau, quand elle faisait sa vitrine, par exemple, mon berceau restait souvent stationné au milieu des parfums de fleurs. Et donc là aussi, il y a peut-être eu une mémoire, des années après, qui m'a conduit vers ce chantier. C'est drôle que vous ne me l'ayez pas dit quand je vous ai interrogé sur ce qui s'est passé alors que vous étiez polytechnicien, vous avez choisi d'étudier les fleurs. Qui n'était pas dans la ligne directe de vos études, vous n'avez pas parlé de votre... Parce que c'était une raison inconsciente, et j'avoue que je me souvenais très bien de mon petit jardin étant enfant. Je me souvenais d'un numéro de Science et Vie qui s'appelait La Nouvelle Botanique, qui m'avait profondément marqué, qui m'avait fait dire « je veux être chercheur en biologie des plantes ». Ça, c'était en seconde, donc c'était relativement tôt. Et c'est seulement après que des amis m'ont rappelé que j'ai passé beaucoup de temps dans un magasin de fleurs et dans mon berceau, et que ça aussi, ça a pu avoir un rôle. Mais comment un tel souvenir peut-il être inconscient ? Il est enfoui. Incroyable. Est-ce qu'on peut continuer cette liste de plantes qu'on trouve chez les fleuristes ou ailleurs, ou de fleurs ? On pourrait parler des choux. Les choux, c'est aussi un sujet qui me fascine. Et on a des études de laboratoire. Des choux-fleurs, exactement. Et pourquoi ils s'appellent choux-fleurs, d'ailleurs ? Il y a des choux sans fleurs ? Alors, bien sûr, il y a des choux sans fleurs. Le chou vert. Ce qu'il faut savoir, c'est que la plupart des choux, que ce soit le chou vert, le chou de Bruxelles, il y a des variétés de moutarde, le chou rave, toutes ces plantes-là, ce sont une seule et même espèce. On peut encore les croiser. Et en fait, ce sont des petites variations dans le génome qui vont provoquer la croissance des structures différentielles. Et donc, le chou-fleur et surtout le chou romanesco. Est-ce que vous connaissez le chou romanesco ? Oui, qui a des structures fractales. Exactement. Il a une apparence très fractale. Et donc, on a actuellement au laboratoire une étude qui tente de comprendre la forme de ce chou. C'est une étude qu'on mène avec Christophe Godin, qui travaille à l'INRIA de Montpellier, donc un mathématicien, un modélisateur. Et en fait, j'avoue que chaque fois que je passe devant un étalage de choux romanesco, je ne peux pas m'empêcher soit de le photographier, soit de l'observer. Puisqu'il y a, des formes absolument spectaculaires. Et ça, au niveau morphologique et au niveau moléculaire, on le comprend relativement bien. Vous me demandiez pourquoi ça s'appelle chou-fleur. Et en fait, un chou-fleur, c'est une fleur qui hésite, c'est une fleur qui bégaye. Elle commence son développement, elle n'arrive pas à le terminer, et en fait, elle perd son identité florale, elle retrouve une identité de tige, et donc, au lieu de produire des organes floraux, des pétales, elle repart à zéro en permanence. Exactement. Elle repart en permanence et elle recrée une tige qui elle-même produit des fleurs, qui commence comme des fleurs, qui se perdent, qui retombent à la tige, qui reproduisent des fleurs. Et c'est comme ça qu'on crée le chou-fleur, par ce fourmillement de petites fleurs bégayantes, de petites fleurs hésitantes. Mais est-ce que c'est une technique qu'on pourrait appliquer à d'autres fleurs? On pourrait faire des, je sais pas moi, des roses bégayantes? Très certainement. Très certainement. Et connaissant le mécanisme tel qu'on le connaît aujourd'hui, je suis assez convaincu qu'on pourrait créer des choux dans différentes autres plantes. Et d'ailleurs, il existe chez notre plante modèle Arabidopsis thaliana, l'arabette des dames, notre drosophile verte, il existe un mutant qui s'appelle chou-fleur et qui forme des tout petits chou-fleurs qui font 1 cm de taille et qui ressemblent énormément aux chou-fleurs comestibles. Le pétunia vous inspire ? Le pétunia, il m'inspire pas tant que ça en tant que fleur, je le trouve pas si élégant que ça. Par contre, c'est aussi un organisme modèle. Il y a un laboratoire à Lyon, par exemple, qui fait des choses extraordinaires sur le pétunia et qui nous permet de comprendre les structures florales. Donc le pétunia est une plante qui est importante dans l'histoire des connaissances sur la fleur. Est-ce qu'on peut changer à volonté la couleur des fleurs ? On le fait pour les tulipes, est-ce qu'on peut le faire pour d'autres fleurs facilement ? On peut le faire, et ça a été fait, chez le pétunia par exemple, ça a été beaucoup fait. Il y a des grandes découvertes qui ont été faites à partir de ces changements de couleur. Par exemple, les mécanismes qu'on appelle de silencing, d'extinction du génome. Certains ont été découverts grâce à des anomalies de coloration dans les fleurs de pétunia. Mais ce qu'on peut faire aujourd'hui de façon relativement aisée, grâce au modèle ABC, c'est de changer la nature des organes. On peut remplacer des pétales par des étamines, par exemple. On peut même modifier des feuilles, les feuilles d'une plante, et les transformer en pétales. Si on active ces gènes qui normalement ne sont activés seulement dans la fleur, eh bien, si on les active dans les feuilles, on arrive à transformer des feuilles en organes floraux. Est-ce que vous avez l'impression que le public s'intéresse à vos travaux ? Je sais que vous donnez beaucoup de conférences à des publics divers. Est-ce que vous sentez un intérêt ? Est-ce que c'est de la fascination qui s'exprime ? Est-ce que c'est de la crainte d'éventuelles manipulations ? Est-ce que c'est lié à l'alimentation ? Je crois, quand on parle de fleurs, on parle avant tout de la beauté du monde végétal, puisque c'est très symbolique, la fleur, on l'a choisie pour, dans beaucoup de cas. Le logo de notre université, l'université Grenoble-Alpes, c'est une rose, par exemple, c'est une fleur. Et donc, moi, j'ai le sentiment que quand on parle de fleurs, on n'effraie pas les gens, on éveille la curiosité, et que si on arrive à expliquer cette diversité des formes par des mécanismes moléculaires, c'est un joli point d'entrée. C'est un joli point d'entrée vers des choses qui seraient beaucoup plus compliquées à expliquer si on s'adressait à une structure qui est moins connue. Quand on parle de fleurs, je veux dire, tout le monde connaît les pétales, tout le monde connaît les étamines. Et donc je trouve que c'est une bonne façon aussi de communiquer sur la science. François Parcy, grâce à vous, j'ai découvert, et je vous en remercie, un monde vraiment fascinant que j'ignorais complètement. Anatole France a écrit sur les fleurs et sur beaucoup d'autres sujets. Il a écrit notamment « Il est d'étranges soirs où les fleurs ont une âme ». Grâce à vous, c'est vrai aussi l'après-midi sur France Culture. Je vous remercie d'être venu à la conversation scientifique. C'était donc la conversation scientifique par Étienne Klein, avec la collaboration de Cyril Baer, à la technique Alain Joubert et à la réalisation François Connac. Tout de suite, c'est-à-dire dans quelques instants, vous retrouvez Christophe Renaud-Dibiot pour le temps des écrivains.